Nous allons parler cinéma avec ton Kiki l'a vu. Voilà, et alors le Kiki l'a vu de la semaine, c'est Michael Cole contre la World News Company de Christophe Smith. Moi je l'ai vu. Tu l'as vu? Oui, je crois. Ok, donc c'est bien, c'est oui, c'est laissé un bon souvenir. C'est une bonne info. Je l'ai vu, je crois. Oui, puis du coup ça m'amène moins dans le côté bonne critique, mais bon, tant pis. Donc c'est sorti en France le 18 février 1998, ça a fait 200 000 entrées comme les Sœurs Soleil, et c'est inexistant en DVD du coup. Alors en bref, tout le monde connaît Michael Cole, hein, c'est un personnage de fiction créé par Benoît Delépine, vu dans l'émission Groland, anciennement titré Les Nouvelles Neuves, Canal International ou encore Le 20H20, du vin, du H et du vin. Oui. Culte. L'histoire du film en quelques mots, envoyé en Afrique afin d'y couvrir un festival de danse, Michael Cole, journaliste pour la World News Company, se rend compte qu'il est en fait le pion d'une gigantesque manipulation. Alors une fois n'est pas coutume, je vous propose d'en écouter la bande-annonce. Ah. Qui c'est ce trou du cul ? Michael Cole, notre correspondant à Paris. C'est le trône ! Il était l'un des journalistes les moins doués de sa génération. Une profession pourtant bourrée de grands professionnels. Je n'ai qu'un pays, ma chère. Ses grands reporters. Ses enquêteurs. Ça le répète avec un charnier sans enfant, c'est nul. Ses éditorialistes. You fucking bitch. You fucking asshole. Ses grands patrons. What about ethics ? You're talking to me about ethics. Sorry. Michael Cole, un enquêteur rigoureux. Sauriez où il y a une secte japonaise dans ambitieux. J'avais un moulin en or, il faut que je fasse le malin à 27 ans et demi de la retraite. Costaud. Un journaliste. Bizarre ça. Depuis quand vous vous déplacez en Afrique pour moins d'un million de morts? Séducteur. J'étais dans l'humanité, mais il y a des limites. C'est lui qu'ils ont choisi pour couvrir la manipulation la plus importante de ces 100 000 dernières années. Michael Cole contre la World News Company. Sorti le 18 février. À force de nous prendre pour des cons, ils en ont choisi un vrai. C'est bien vu. Voilà, la bonne annonce est très très bien faite, c'est pour ça que du coup je vous l'ai proposé. Avant de devenir un cinéaste à succès avec les films Altra, Avida, Louise Michel, Mammouth, Le Grand Soir, Near This Experience et Saint-Amour, cinéaste qui plus est considéré par la profession autant par les critiques, ce qui est assez rare, Benoît Delépine tenta de lancer sa carrière de comédien en transposant donc du petit au grand écran, et ce dès la fin des années 90, son célèbre personnage de Michael Cole. Alors qu'il en écrit lui-même le scénario, c'est à Christophe Smith, inconnu au bataillon encore aujourd'hui, que revient à la mise en scène, pendant que Charles Gasso, l'homme derrière Mortel Randonnée, La Vie est un long fleuve tranquille, Tati Daniel, La Cité de la Peur, Le Bonheur est dans le Pré, Beaumarchais l'Insolent et Un air de famille, s'occupe lui de le produire. À ce stade, le film a tout d'un futur triomphe, d'autant que le casting se gratifie de quelques noms séduisants. Marine Dalterme pour la touche charme et évidemment excellente comédienne. Féodor Atkin, on en parlait tout à l'heure, que l'on a vu aussi dans Inspecteur la bavure, Ne réveillez pas un flic qui dort et Talon aiguille. Victoria Principal, ex Dallas. Ou encore Mickey Rooney, star américaine grandissime ayant débuté sa carrière à l'âge de 17 mois. Autant dire une affiche des plus distinguées, aussi prestigieuse que fantasque, à l'image de son auteur. La satire du milieu journalistique est à son comble, le script robuste et les répliques également. Il ne manque finalement qu'un petit grain de folie à l'ensemble, celui que tous les fans de Groland attendaient. À l'exception de modestes apparitions du troublion Jules-Édouard Moustique et quelques répliques, on vient de les entendre, rien ne nous fait franchement rire. Mais grincer des dents, oui, pamphlet oblige. Ainsi donc, à l'arrivée, le métrage passe complètement à côté de son public et se solde par un échec insurmontable, ce qui est parfaitement regrettable. Benoît Delépine y revient malgré tout, non sans une certaine amertume. Je le cite. « Avec ce film, je voulais vraiment dire quelque chose, donc le fond a primé. Peut-être que je suis allé trop loin, j'en sais rien. Peut-être aussi que j'avais le cul entre trop de chaises. Le film est en même temps marrant et sérieux, militant et commercial, en américain et en français, et je me suis retrouvé le cul par terre. Mais je voulais vraiment faire un film un peu pédagogique qui puisse être vu par beaucoup de gens un peu partout. » De ce point de vue-là, donc, l'objectif est clairement raté. En revanche, l'intention de base, elle, est respectée. Au lieu de tomber dans la facilité, celle de la parodie grossière mais toujours efficace, Michael Cole contre la World News Company se définit en réalité comme un vrai film d'auteur, augurant de ce que Delépine développera par la suite et encore aujourd'hui. Maintenant que vous savez à quoi vous attendre, il ne vous reste donc plus qu'à y jeter ou rejeter un œil, si vous le pouvez bien sûr, le film étant tout simplement introuvable. Merci. La promo, ça. Bah, j'ai la VHS, si vous avez un magnétoscope. Voilà. Il faut trouver un magnétoscope. Voilà. Ah oui, t'as la VHS quand même. Bah oui. Enregistré ou... Enregistré. Ah. Voilà. Ouais, à côté de son Minitel. Que tu m'as revendu, merci. Bravo. Ça casse dur. Hein. Merci Gilles. Mais de rien.